반시를 드립니다. T'envoies du tout, en tâche, moi d'âge, car on fait tourner le ballon comme la Tético. On mène le game, on lâche pas le ballon en allant 80% possession. 4ème minute, c'est l'heure du biki. Tiako va faire gesteller tous les cerveaux. Écoute, celle-là, mon pote, tu vas faire tiac sur le synthétique et tire sur les poteaux. On fait oublier la coupe du but, on l'écrase, les gars, c'est pas cool. Bénébouc, Camarlo, Bandit, on sache pas les frérots depuis chez Pascal. J'envoie des rafales de lucarne, un drapeau en afro depuis mes débuts. Bon, 93ème minute, le match est fini, t'inquiète, on va. Attaque du temps, Griezmann t'en veux, mais es-tu assez bon sur le terrain? Le ballon passe plus long, tourne-le pour qu'au final je mette une frappe de bourrin. J'efface tous mes adversaires, je suis serein. On a signé aucun pack des gueudins. Cherche pas la merde avec nous, sinon ton sang sera ton bain. Bref, efficace, effet génio. Quel fouche, casse les maillots. Au big up, attaque, pognon. Nous vainque un jour, allez, tenter, j'étais tout seul. J'suis autonome, by Bronson. Viens comme fantôme, sur toi dans le but, j'fais pas la langue, t'es tout à l'aïe et morgaté. Attaquant, je suis comme Griezmann. Ça que soit ta vie, c'est la Batman. Copie, on est juste comme Griezmann. Sur le raté, je suis comme Griezmann. Attaque, je suis comme Griezmann. Je suis comme Griezmann. Numéro 7 comme Griezmann. Et la vie comme Griezmann. Attaquant, je suis comme Griezmann. Ça que soit ta vie, c'est la Batman. Copie, on est juste comme Griezmann. Sur le raté, je suis comme Griezmann. Attaque, je suis comme Griezmann. Je suis comme Griezmann. Numéro 7 comme Griezmann. Griezmann, Griezmann, penalty si tu touches à mes mains. Sur le raté au charbon, saga banale. Saga banale, on vise le sucre là comme tu veux nous tacler. T'inquiète même pas pour nous, on est gainé. Une disque, on est lancé, t'as capté le progrès. Meilleur de nos DG, ouais, chacun c'est réel. Une balle perdue, je peux mettre fin à ta carrière. Numéro 7, le pied derrière le maillot. Un faux parabon, on vient d'une autre planète. On change pas d'esprit, nous y a pas d'arcato. Attaquant sur le terrain comme Griezmann. Quelque chose d'un peu bien pécho man. On a volé mais pas comme Superman. Yaka, la tête qu'on a fumé Batman. Choira sous choira où ça devient banal. Chinois je te coupe ta main pour une case. Pas dur pour l'ITR, un DBO. On voit énervé, on va tous des pyromanes. Attaquant je suis comme Griezmann. Ça qui voit ta vie c'est la Batman. Coquille ou nous tu t'en fais Griezmann. Sur le rat c'est vite, tu comme Griezmann. Attaque je suis comme Griezmann. Je suis bizarre comme Griezmann. Numéro 7 comme Griezmann. Attaquant je suis comme Griezmann. La Griezmann ta vie c'est la Batman. Faut que tu n'existes quand t'es Griezmann. Sur le raté tu es comme Griezmann. Attaquant je suis comme Griezmann. Je suis comme Griezmann. Numéro 7 comme Griezmann. Et la Griezmann.